Leçon 1. Pages 34 et 35. Activité 2. 3 et 4. Ici, c'est la cour de récréation. Et ta classe? Elle est là-bas, au fond du couloir. Où est la bibliothèque? Elle est dans ce bâtiment.